lendemain. Partout, les oiseaux chantent, à chacun son refrain. Et le soleil réchauffe ceux qui ont du chagrin. Et si toi aussi tu veux redessiner ta vie, je t'emmène avec moi. Viens, on va dans un bien beau pays, un endroit loin.